coup de poing pour pas tomber. Des pouces à grains pour résister. Les doigts froids je consume. Des bouffées de plaisir que j'absorbe une à une. La rosée me caresse. Et le coq paresse. En ce matin d'avril, où tout s'illumine. J'avais triste. peurs, toutes ces peurs, toutes ces peurs, toutes ces peurs, toutes ces peurs, toutes ces peurs. Toutes ces peurs.